Une mise en garde verbale, l'espoir en soi. J'explore ma vie, un bloc mémo sur moi. Hypocrite, insulte métaphorique, je me fous de ceux qui blâmeront de PA. Le jour où j'haïra leur jalousie en jurant, j'adopterai les jours lyriques. Blessure physique, nah, psychique radicale. Réduire à néant sa faculté, se fera les fly comme spy. Allez, critiquer, jalouser mon style. J'en ai rien à vos arguments ne sont pas de taille, mauvaise taille. Double excès, je porte ma voix, porte un sens à cette corvée de choc. Gérigologue, prof d'érimologie, technicien verbal. Du cru, de la véracité parfois fort. Et si ce blâme t'enflamme, bien, si ça te frotte, longe cette corde autour de ton cou, mec, défonce. Toi, blog, I don't give a fuck.